Section 34. Deuxième partie, chapitre 3. Cette petite scène s'était passée pendant que le train traversait le désert de la Croix. Bientôt on arriva à Arles, et les deux voyageurs profitèrent des 5 minutes d'arrêt pour changer de wagon. Bien qu'il n'eût pas été dit un seul mot depuis que l'électeur de Georges s'était excusé de voir exprimer à haute voix son opinion sur son député, la situation était restée difficile. On ne parlait plus, on évitait même de se regarder. Un voyage de 15 ou 18 heures dans ces conditions eût été un long supplice. À peine les deux voyageurs eurent-ils quitté le wagon que Charlotte se tourna vers son mari et, lui prenant la main, la lui serra avec effusion. « Tu as souffert, » dit-il en la regardant les yeux dans les yeux, « d'entendre ces gens parler ainsi. Beaucoup, mais j'ai été fière de t'entendre répondre comme tu l'as fait. « Pouvais-tu supposer que je laisserais accuser Georges sans protester ?»« Tu es le meilleur des hommes, le plus généreux et le plus noble. » Le train s'était remis en marche. Ils étaient seuls dans leur compartiment. Elle se baissa vers son mari et lui releva la main qu'elle tenait toujours dans les siennes. Elle l'embrassa. Emmanuel n'était point habitué à ces élans d'expansion chez sa femme. Car si affectueuse que Charlotte se montra pour lui, elle se tenait toujours renfermée dans une certaine réserve. Si ce n'était point de la froideur, c'était au moins de la contrainte. Bien souvent, il l'avait doucement reprise à ce sujet, jamais il n'avait pu obtenir qu'elle mît plus d'épanchement dans ses sentiments ou ses idées. Et pour se consoler, il en était arrivé à se dire que c'était chez elle affaire de tempérament et d'éducation. Assurément, il eût été heureux qu'elle répondît à sa tendresse, comme à sa franchise, avec plus de chaleur, et surtout avec plus de spontanéité. Mais après tout, il y avait assez de qualité en elle pour qu'il ne lui tînt pas rigueur à propos de ce défaut. Il fut donc très justement surpris de ce baiser si plein d'émotion. C'était parce qu'il avait pris la défense de Georges Saffarel qu'elle montrait un si grand trouble et une si vive reconnaissance. On parle de l'aveuglement de l'amour. Pour être juste, on devrait parler aussi de sa clairvoyance. Ceux qui aiment profondément arrivent souvent à une finesse d'appréciation dans le sentiment, à une lucidité extraordinaire, et alors ils lisent dans le cœur de la personne aimée aussi sûrement qu'ils liraient dans un livre ouvert. C'était le cas de Narbonton. Depuis 4 années, il avait vécu si intimement avec sa femme, les yeux toujours fixés sur elle, l'étudiant sans cesse, qu'il en était venu à deviner souvent les secrètes déterminations qui la faisaient agir ou parler. Si elle lui avait dit qu'il était le plus généreux et le plus noble des hommes, ce n'était pas seulement parce qu'il avait pris la défense de Georges. À défendre un ami absent, il n'y a ni générosité ni noblesse. C'est un strict devoir qui ne pouvait pas étonner Charlotte et qui, en tout cas, ne pouvait pas provoquer en elle une explosion de reconnaissance. Il y avait autre chose. Il se pencha par la glace ouverte et parut s'absorber dans la contemplation du paysage, mais il n'eut pas besoin de longues réflexions ni de savantes inductions pour trouver la cause de cette effusion. Ce qui avait profondément ému Charlotte, c'est qu'il avait fait l'éloge de Georges devant elle. Ce qu'elle avait trouvé noble et généreux, c'était que l'homme qu'elle aimait maintenant eût parlé avec justice de l'homme auquel elle avait été fiancée autrefois. Bien souvent, depuis 4 années, en ces jours de réflexion, alors que l'esprit remonte dans le passé pour y chercher l'explication du présent, il s'était demandé quels avaient été les sentiments de sa femme pour Georges. Question horriblement douloureuse pour une nature jalouse comme la sienne. L'avait-elle aimé? Ou bien n'avait-elle éprouvé pour lui qu'une légère tendresse, celle toute naturelle d'une cousine pour son cousin? À l'époque où le hasard les avait tous les trois réunis, Georges, lui et Charlotte, ils ne connaissaient pas encore assez celle-ci pour lire couramment ce qui se passait au fond de son cœur. Il avait cru qu'elle avait plus que de l'affection pour son cousin, mais ses remarques n'avaient pas été assez sérieuses pour lui permettre de se prononcer formellement. Au moment de la rupture de Georges, la maladie qui s'était abattue brusquement sur la jeune fille avait été une indication grave en faveur de l'amour. Enfin, plus tard, les angoisses qui avaient torturé Charlotte lorsque son père avait voulu la marier en avaient été une nouvelle plus grave encore. Mais c'était là tout. À côté de ces indications, il y en avait eu d'autres dans un sens contraire. Où était la vérité? Et jusqu'où cette vérité pouvait-elle aller? Ces interrogations qui, maintes fois, avaient obsédé son esprit et étouffé son cœur, étaient toujours restées sans réponse précise. Pour en obtenir, il eût fallu aborder ce sujet avec Charlotte, et pendant ces 4 années, le nom de Georges n'avait même pas été prononcé entre eux. Il ne s'était, pour ainsi dire, pas écoulé 2 jours sans qu'ils parlassent de monsieur de la Hérodière, mais par un accord tacite, ils avaient toujours évité ce qui pouvait rappeler le souvenir de Georges, et lorsque celui-ci s'était présenté menaçant, ils avaient adroitement détourné le danger en portant la conversation sur un point différent. Mais ce qui avait été possible par des miracles d'adresse alors qu'ils vivaient à l'étranger ne le serait plus maintenant que revenus en France, ils allaient être exposés à entendre ce nom à chaque instant. Georges Saffarel était un homme politique. On s'occupait de lui. Les journaux imprimaient son nom 10 fois par jour. On discutait ses opinions. On attaquait sa personne. Il fallait prendre un parti à son égard. Déjà Narbonton s'était fait ses réflexions. La scène du wagon et le baiser de Charlotte le décidèrent à trancher définitivement cette question qui ne pouvait pas plus longtemps rester pendante. Il se tourna vers sa femme et, après l'avoir longuement regardée, « C'est la première fois depuis 4 ans, dit-il, que le nom de Georges est prononcé entre nous. » Elle rougit, mais sans baisser les yeux. « Cela est vrai, dit-elle, tu évitais de parler de lui. Tu l'as remarqué ? Comme tu as remarqué que j'évitais d'en parler moi-même. Il est triste que ce nom sur lequel nous avions fait le silence ait frappé mes oreilles dans ces fâcheuses circonstances. Je m'étais fait une fête, en montant dans ce wagon, d'entendre parler français, et les premières paroles qui nous accueillent sont une accusation contre un homme qui est mon cousin et qui a été ton ami. Qui est mon ami, tu peux dire ? Ces accusations m'ont fait une peine extrême. Il a fallu ton intervention pour m'arracher à cette impression cruelle. Il se fit un silence entre eux, mais il fut de courte durée. « Ainsi, demanda Emmanuel, sans détacher ses yeux du visage de sa femme, ce qui s'est passé n'a pas changé tes sentiments à l'égard de Georges ?» Elle frissonna. « Cette question, dit-elle en balbutiant, je te prie, je te supplie d'y répondre en toute sincérité. Lorsqu'un mari parle ainsi à sa femme, c'est qu'il a une foi entière en elle. Tu sais que j'ai cette foi, et que ce que tu me diras sera pour moi la vérité. Mais je ne peux répondre, car ce que sont à l'heure présente mes sentiments pour Georges, je n'en sais rien. Mon enfant, il ne faut pas que tu croies que la question que je te pose ainsi me soit inspirée par une vulgaire curiosité. Je n'ai jamais voulu te parler de Georges, et je continuerai à observer cette réserve. Si nous étions maintenant dans les circonstances analogues à celles où nous nous sommes trouvés pendant 4 ans que nous venons de passer à l'étranger. Mais nous ne sommes plus à l'étranger. Nous sommes en France. Aujourd'hui, demain, nous pouvons rencontrer Georges. Quelle sera notre attitude vis-à-vis de lui ? Quelle sera-t-elle vis-à-vis de ceux qui connaissent nos anciennes relations et notre parenté ? Il faut que nous nous soyons entendus là-dessus. Tu vois donc que ma question est sérieuse et que ta réponse doit l'être aussi. Depuis 4 ans, Emmanuel n'avait pas vu sa femme aussi troublée qu'elle l'était en ce moment. Elle resta pendant plusieurs minutes sans répondre, mais à la fin, elle leva les yeux sur ceux de son mari, et elle parla sans les baisser. « Mes sentiments à l'égard de Georges, dit-elle, en toute sincérité, je ne les connais pas. Si tu veux que je dise ce que j'éprouvais à l'époque où il devait être mon mari, je vais te le dire, car je ne veux pas avoir de secret pour toi, et si tu me demandes ma confession, je vais te la faire exacte, entière. » Ce fut au tour d'Emmanuel d'être profondément bouleversé. Le secret qu'il avait longuement et vainement cherché, on offrait de le lui dire. Il connaissait assez sa femme pour savoir qu'elle parlerait avec sincérité. Il hésita un moment. La tentation était terrible. Savoir ce qui s'était passé dans cette âme qu'il adorait. Mais il repoussa bientôt loin de lui cette pensée. « C'est du présent, dit-il. C'est de l'avenir que nous devons avoir souci. Et ce que je te demande, c'est de me mettre à même d'adopter une ligne de conduite inspirée par tes sentiments. » En vérité, je ne sais quelles y sont. Toutes les fois que j'ai pensé à Georges depuis notre mariage, j'ai écarté son souvenir et n'ai point voulu m'interroger. À la longue, je me suis habituée à le considérer comme un mort, ne me rappelant de lui que le bien, oubliant le mal. C'est tout à l'heure seulement que j'ai senti qu'il était vivant, et le coup m'a été douloureux. Voilà, il me semble, tout ce que je peux te dire pour le présent. Mais l'avenir ? Quel avenir ? Si demain nous le rencontrons, s'il nous écrit, quel accueil lui ferons-nous? Si on nous parle de lui, quelle sera notre réponse? C'est là ce que je te demande de me dire. Ah, je t'en prie, ne le rencontrons jamais. Mon enfant, ceci est un désir, mais la vie ne se fait pas avec nos désirs, elle se fait avec la réalité. Il peut arriver que nous rencontrions, Georges. Cela même doit arriver. Dans les conditions où nous avons été, où nous sommes, je ne puis pas le repousser s'il vient à moi. Et j'avoue même, rentrant en France, il est difficile que je n'aille pas à lui le premier. De ce que tu viens de me dire, dois-je conclure que tu ne veux pas le voir? Et toutes relations sont-elles impossibles entre vous? Impossible? Il ne m'appartient pas de te dicter ta conduite. Tu seras avec lui ce que tu croiras devoir être. Ce que je demande, c'est de ne le voir jamais, et que tu ne me parles jamais de lui. Pour moi, il est mort, et je désire qu'il reste mort. Fin de la section 34.